Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Savons-nous à quoi ressemblait cet homme si souvent représenté en gravure, en sculpture, en peinture? Savons-nous quelles étaient ses origines, si longtemps fantasmées? Savons-nous quelles ont été ses motivations quand il a pris la mer au XVe siècle vers l'ouest à la recherche de la route des Indes? Qui était Christophe Colomb? Sans conteste, une vedette ambiguë de notre histoire, car il n'y a pas un, mais plusieurs Christophe Colomb. D'ailleurs, de quel Christophe Colomb s'est inspiré le poète russe Vladimir Mayakovsky quand, dans les années 1920, il est parti à son tour à la découverte de l'Amérique? Colomb fut-il vulgaire Colomb ou Colombe de la paix? Et Mayakovsky eut-il Maya partir avec les Mayas? Dans tous les cas, la découverte de l'Amérique est la révélation d'un autre monde. C'est la découverte de soi, c'est la découverte de ce que nous sommes. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous explorons le monde, ou plus exactement, nous réfléchissons à ce que signifie explorer le monde, de la notion de grande découverte à utiliser avec des pincettes au regard qu'ont pu avoir les Indiens sur ceux qui ont débarqué chez eux. Ce sont des émissions que vous pouvez réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, ou en podcast. Et aujourd'hui, deux figures de la découverte de l'Amérique, évidemment Christophe Colomb, aventurier de génie, ou peut-être illuminé, mystique. Ça, c'est la question que nous poserons à Denis Crouzet, professeur d'histoire moderne à Sorbonne Université. Il est l'auteur de Christophe Colomb, héros de l'Apocalypse. Héros, attention, héros comme le messager. Et puis après, nous parlerons du sublime Vladimir Mayakovsky, poète russe qui s'est pris, oui, pour Christophe Colomb, avec Olena Berezovska Pichioki, maître de conférence en littérature comparée, qui enseigne à l'université de Corse. Et en fin d'émission, viendra nous rejoindre Anaïs Kien, qui assure la programmation du cours de l'histoire. Anaïs Kien avec son journal de l'histoire. Mais pour le moment, nous avons le choix du navire. C'est la Santa Maria, la Pinta ou la Niña, car nous partons à la découverte de l'Amérique avec Christophe Colomb. Écoutez-moi, tout homme a peur quand il fait quelque chose pour la première fois. Mais ceux qui surmontent leur peur en seront à juste titre récompensés. Je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu que nous traversions cet océan, mais je suis bien certain que c'est toi, Alonso, qui mets la peur dans nos cœurs. Nous ne pouvons pas nous perdre tant que nous gardons foi en Dieu et en nous-mêmes. Un jour viendra où partout on parlera du courage des premiers hommes qui franchirent cet océan et en revinrent. Et ce jour-là, vous pourrez leur dire « J'étais sur la Pinta, j'étais sur la Niña et sur la Santa Maria. » Ce pourpoint au premier qui verra la terre ferme. Et 10 000 maravédis par an, à vie. Je veux un homme de veille de la nature, jour et nuit. Hola, Iseo, un extrait du film 1492 de Ridley Scott où Gérard Depardieu et Christophe Colomb, un film important dans la représentation que l'on peut se faire de ce personnage extraordinaire qu'est Christophe Colomb. Et pour nous en parler aujourd'hui, nous recevons Denis Crouzet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire moderne à la Sorbonne Université. C'est vrai qu'on ne dit plus Paris-Sorbonne, on dit Sorbonne. On a changé de nom. Sorbonne Université. Vous venez avec Christophe Colomb, héros de l'Apocalypse. Je précise bien héros au sens de messager, pas héros héroïque. C'est un ouvrage qui a été édité déjà en 2006, mais qui a été augmenté d'une énorme postface qui donne une nouvelle perspective au personnage. C'est un personnage, Christophe Colomb, que nous pensons tous connaître. Nous venons d'entendre Ridley Scott qui nous présente un Christophe Colomb. On va jouer avec vous, Denis Crouzet, au jeu des représentations. C'est une notion compliquée, hein, la représentation en histoire, mais elle est intéressante. Il faut toujours savoir d'où on se place. Christophe Colomb, tel qu'on peut se le représenter aujourd'hui, il a été construit à quel moment, celui-là qu'on entend de Ridley Scott? Il a été construit au XIXe siècle. C'est une revision romantique d'un Christophe Colomb qui, seul contre tous, incarne une forme de liberté et qui est confronté aux résistances, aux peurs de son équipage mené par le méchant Pinson. On est là dans des éléments qu'il a laissés lui-même, mais qui ont été amplifiés et qui permettent à ce film d'être une sorte d'immense archaïsme par rapport à la recherche, si vous voulez. Oui, c'est ça qui est intéressant toujours, c'est de confronter nos représentations avec la réalité de la recherche qui découvre beaucoup de choses. Mais sur ce personnage de Christophe Colomb, c'est vrai que ce que l'on retient, c'est qu'il a découvert l'Amérique en 1492. Et puis après, quand on creuse un peu, on met plein de réserves, il pensait trouver les Indes, etc. Mais autour de Christophe Colomb, il y a quelque chose de majeur, c'est le mystère. Et ça aussi, ça plaît beaucoup en histoire, sur le mystère des origines de ce personnage. Et d'ailleurs, si on prend le mot représentation au sens premier, c'est l'image de Christophe Colomb, le tableau, la gravure, le dessin. On n'a pas de représentation vraiment de Christophe Colomb. Non, la représentation de Ghirlandaio est la seule qui soit à peu près à proximité du personnage. Par contre, lui, s'est dépeint à la fois dans les lettres qu'il a pu écrire et qui ont été publiées, si elles sont vraiment de sa main, dans un journal de bord, et puis on a aussi l'extraordinaire récit que Las Casas a introduit dans son histoire des Indes, et qui est repose sur des documents qu'il a vus directement. Oui, c'est-à-dire que le personnage Christophe Colomb intéresse dès qu'il commence à faire parler de lui. On sent qu'on est avec un personnage particulier. Tout de suite, parce qu'il y a tout de suite une rivalité entre les apologistes de la monarchie espagnole qui cherchent à déstabiliser Colomb en soulignant qu'il a reçu l'information qu'il y avait d'autres terres d'un protonaute, un marin, seul survivant d'un navire perdu, qui sur son lit de mort lui aurait dit qu'à l'ouest il y avait une terre et des populations, et de l'autre côté, au contraire, des historiens qui revendiquent l'italianité de Colomb face aux monstrueux Espagnols. Donc il est entre deux, il flotte, parce qu'il est génois en réalité, on le sait. Oui, vous l'expliquez bien, Denis Crouzet, c'est vrai que quand on lit votre ouvrage, on voit qu'il est possible de retracer Colomb, avant Colomb, en tout cas Colomb avant la découverte de l'Amérique. C'est un Génois, on connaît sa famille, et on voit même comment il a pu évoluer, comment il en est arrivé à la marine, parce que c'était pas une évidence. Hein. Bon, il est embarqué comme commis sur un bateau qui va en Méditerranée orientale chercher des cargaisons de mastic dans l'île de Lesbos. Et puis c'est le début d'une auto-formation dans ces bateaux, d'un apprentissage de la mer et d'une sorte d'empirisme qui le conduit à concevoir une géographie du monde, et une géographie du monde qui nous surprend, parce qu'elle repose sur une énorme erreur, la circonférence de ce monde, 30 000 kilomètres et pas 40 000, donc un petit monde, beaucoup plus petit, une Asie surdimensionnée d'est en ouest, et à partir de là, vu que le monde est plus petit, l'Asie beaucoup plus proche que nous le savons, 6, 7 000 kilomètres peut-être. Et donc, tout son projet repose sur une erreur qui va être d'une fécondité extrême, même si ce qu'il appelle les Indes ne sont pas les Indes. Oui, parce que Denis Crouzet, là, on touche à la chose essentielle. Comment Christophe Colomb se représente les Indes? Alors les Indes, déjà, il y a tout un imaginaire. Donc il se les représente comme un monde de richesses. Les Indes, c'est le Cipango et le Cathay décrits par Marco Polo, par Pierre Dailly, et donc le pays où l'or est en abondance et où en plus il y a un potentiel de conversion des populations qui serait pour peu. Et dans ce cadre, l'imaginaire de la croisade, de la libération de Jérusalem, prend un sens parce que, avec cet or, avec des troupes qui pourraient être fournies, il y aurait moyen de prendre en tenaille les Ottomans et leur domination. Et Colomb a ceci de vraiment très intéressant, c'est qu'il est imprégné de la culture de la fin des temps, qui est la culture ascendante depuis les années 1460. Les temps sont courts, l'apocalypse est pour bientôt, mais toutes les forces des hommes doivent essayer d'accomplir la volonté divine, parce que Dieu a voulu que dans cette fin des temps, l'ensemble du monde soit d'une part connu, parce que le monde est une image de Dieu, de sa perfection, une sorte de double des Saintes Écritures, et puis les populations n'attendent que la prédication de la foi chrétienne et la recevront dans une immédiateté, puisqu'elle est voulue par Dieu. Denis Crouzet, c'est vrai que vous évoquez le monde, mais toujours dans notre quête de représentation, comment les contemporains de Colomb et comment Christophe Colomb lui-même se représente le monde? Il y a toujours cette question, peut-on en faire le tour? Alors, il y a une évolution des savoirs cartographiques. Colomb est au courant, sans doute à travers des contacts avec un géographe, un cosmographe ou un cartographe florentin appelé Toscanelli. Et on est dans un moment où on pense qu'il y a une circulation des océans entre eux et que donc, par l'ouest, on commence à penser qu'il y a moyen d'aller vers ces terres eschatologiques que sont les Indes. Et à quoi se rajoute le fait, je crois qu'il faut vraiment insister, et là le film de Ridley Scott part sur des bonnes bases, ensuite il se perd fortement, mais Colomb est un halluciné, c'est un prophète. Il est nourri de tout un savoir qu'il a pris dans la Bible, de prophéties qui se cristallisent toutes sur ce principe d'une fin des temps et d'un entre-temps qui va être celui de la révélation à tous les peuples de la vérité chrétienne, avec un V majuscule. Donc, il est comme imprégné d'une mission, et on le voit très bien dans le premier voyage, face aux marins qui sont paniqués par la durée, par l'encalminement dans des algues, tout ce qu'on veut dire. Il s'affirme comme un nouveau Moïse, celui qui entraîne un peuple élu vers une terre promise, mais aussi comme le Christophérens. Il est celui qui porte sur ses épaules le Christ et qui va amener cette foi dans le monde entier. Oui, d'ailleurs, vous avez sous-titré, Denis Crouzet, votre Christophe Colomb, héros messager de l'Apocalypse. Et justement, en écho à ce délire eschatologique de fin des temps et puis à cette mission religieuse que Colomb pense porter, nous allons écouter un extrait d'un oratorio de 1927. Celui qu'on va écouter a été enregistré 20 ans plus tard, en 1947. Oratorio de Paul Claudel, le livre de Christophe Colomb. Le livre de la vie et des voyages de Christophe Colomb, qui a découvert l'Amérique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il! Ouh là là, là nous sommes vraiment dans quelque chose de grandiose. Alors c'est vrai que c'est une musique de Darius Milhaud qui fait cet oratorio avec Claudel. Je pense que ici nous sommes beaucoup plus proches d'une représentation, je vais pas dire juste parce que ou véritable parce que c'est pas vraiment la question, mais enfin on s'approche de Christophe Colomb parce que Denis Crouzet, vous insistez vraiment énormément sur cet aspect religieux. Nous voyons Christophe Colomb comme un aventurier, c'est pas si simple que ça. Non, c'est un mystique pour qui, en outre, le monde, je l'ai dit tout à l'heure, est une révélation au sens apocalypse des mystères de Dieu, de la beauté de ce Dieu d'amour qui va venir régner sur la terre en son jugement. Et là, l'oratorio est intéressant parce que Paul Claudel se situe dans la continuité de Léon Blois et de Rosely de Lor, qui, au XIXe siècle, avait tenté d'obtenir la canonisation de Christophe Colomb comme un saint. Même la papauté s'était avérée fort sceptique sur ce processus, mais il y a eu tout un effet extraordinaire de mobilisation chrétienne autour de ça. Alors, ce Christophe Colomb subit la révélation quand, le 12 octobre 1492, il y a l'approche de l'île qu'ils vont nommer San Salvador, et que là, ces Indiens vont apparaître à Colomb comme de nouveaux Adam. Presque avant le péché, les hommes n'ont pas de barbe, ce qui revient aux figurations du paradis. Et il va essayer de transmettre cet enthousiasme mystique en racontant aux rois catholiques que là, il y a une chance extraordinaire parce que finalement, ils sont comme une feuille blanche sur laquelle on va inscrire Dieu. Et que là, les temps, effectivement, sont en train de s'accomplir. Et bien justement, Denis Crouzet, sur une feuille qui n'était pas blanche sans doute, Christophe Colomb a écrit dans son journal de bord quelques pages. Et ce 12 octobre 1492, il en a écrit une essentielle. C'est un document magnifique qui nous est lu aujourd'hui par Olivier Martineau. La terre paraît à 2h du matin. Au matin, je débarque dans une petite île. Je déploie la bannière royale et j'en prends possession au nom du roi et de la reine. Tous les Indiens vont nus comme leur mère les a mis au monde. Certains se peignent en noir, d'autres de blanc, d'autres de rouge. Ils n'ont pas de fer. Je crois qu'ils se feraient aisément chrétiens, car il m'a paru qu'ils n'étaient d'aucune religion. J'étais très attentif et m'employais à savoir s'il y avait de l'or. À force de signes, je pus comprendre qu'au sud était un roi qui en avait énormément. 16 décembre 1492. Île d'Hispaniola. Saint-Domingue, que vos Altesses veuillent croire que les terres sont bonnes et fertiles. Les Indiens n'ont pas d'armes, sont tout nus, n'ont pas le moindre génie pour le combat et sont si peureux qu'à 1000, ils n'oseraient pas combattre 3 des nôtres. Ils sont donc propres à être commandés et à ce qu'on les fasse travailler, semer et mener tous autres travaux dont on aura besoin, à ce qu'on leur fasse bâtir des villes, à ce qu'on leur enseigne à aller vêtus et à prendre nos coutumes. 15 mars 1493, le retour à Lisbonne. La nouvelle s'était répandue que l'amiral revenait des Indes. Un grand nombre de personnes vinrent pour le voir et pour regarder les Indiens. C'était une chose merveilleuse à voir. Un extrait du journal de bord de Christophe Colomb, donc 12 octobre 1492, quelle date ? 16 décembre 1492, 15 mars 1493, une évolution, Denis Crouzet, quelques pages de ce journal. Ce que nous dit ce journal, c'est vraiment une vision beaucoup plus religieuse que simplement nous avons découvert des terres riches. Une vision quasi-messianique, qui va entrer en décalage avec une réalité à venir. Parce que le premier voyage, exploration d'une partie de la côte de Kolba, appelée Rouana, l'isla Rouana, et descente vers la Hispaniola, l'île qui... installation d'une garnison, parce que la Santa Maria a coulé, on ne peut pas rembarquer tout le monde. Quand il revient l'année suivante pour le deuxième voyage, la garnison a été massacrée. Et c'est le début vraiment d'une autre prise de conscience, au contraire. L'Indien bascule de l'adamisme vers le diabolisme. Il faut le prendre en main, le guider, mais le guider par la coercition et empêcher qu'il reste dans son état de, entre guillemets, sauvagerie. C'est le mettre au travail pour que ces terres donnent leur potentiel, avec le grand drame qui est que ces sociétés vont résister, résister au travail, résister aussi par la violence aux violents, et qu'un grand processus de destruction d'un monde commence. Ce sont ces Taïnos, ces Aravaques. On dit que à la Hispaniola, Saint-Domingue, si vous voulez, il y avait entre 800 000 et 8 millions d'Indiens. Bon, mais qu'il en reste 500 en 1570, quoi qu'il arrive. Évaluation haute ou évaluation bas, c'est un processus qui n'a dans l'histoire aucun niveau de comparaison. Le Mexique, il va y avoir 10% de la population qui va subsister, ou 15% d'après les chiffres de l'école de Berkeley. Mais là, on est presque à zéro. Et en réalité, ça sera zéro. Donc, Colomb et ses hommes deviennent des tortionnaires, les artisans de ce que nous appellerions un génocide. Mais pourquoi ? Pour la gloire de Dieu, pour que ces terres reviennent dans une situation permettant, puisque là on ne trouve pas l'or, de nourrir des populations qui vont venir. À vous écouter, Denis Crouzet, on comprend bien pourquoi Christophe Colomb est le héros, le messager de l'Apocalypse, parce que l'Apocalypse, c'est pour ces populations-là. Oui. C'est-à-dire que c'est extrêmement sombre, en vérité, cette lecture que l'on peut faire de Christophe Colomb quand on s'éloigne de la représentation traditionnelle de l'aventurier qui traverse les mers et qui a ce coup de génie de se dire « la Terre est ronde, je vais rejoindre les Indes, coup de bol, il tombe sur l'Amérique ». C'est beaucoup plus complexe parce que dès lors, lui qui s'était représenté les Indiens comme de bons sauvages au début, se les représente comme des forces de Satan, comme des êtres maléfiques. Mais dans cette lecture-là, il y a toujours de la religion. Il y a toujours de la religion et aussi le fait, les nécessités d'exploitation économique, des fantasmes. Colomb, par exemple, pense que les cyclones, hurricanes qui arrivent sont dus aux arbres sur les hautes collines. Donc, déforestation, conséquence, ruissellement, destruction des terres qui étaient très savamment cultivées par les Indiens. Et la chaîne, en quelque sorte, de la destruction, s'il n'y a plus de culture, les Indiens meurent, outre certaines maladies, comme l'arrivée du moustique portant le paludisme, qui était inconnu, qui alors là fait des dégâts, et puis la variole. Donc, c'est une catastrophe, comme dans l'histoire, on n'en a pas eu, et Colomb peut être pensé comme l'initiateur, même si autour de lui, il y a d'autres Espagnols qui accélèrent les choses. Et si après sa mort, après son dernier voyage, ça va continuer fortement. La représentation de Christophe Colomb, justement, pour ces questions-là, est extrêmement complexe parce que la vision que l'on impose, en fait, à l'ensemble du monde est celle d'un Christophe Colomb découvreur. C'est cette vision-là qui est imposée aux Indiens également. À quel moment Christophe Colomb commence à être perçu comme quelque chose de maléfique, un héros de l'Apocalypse? Bon, je pense que c'est au moment de la guerre du Vietnam qu'il y a une sorte de débridage de tout ce qui était retenu. D'abord, par des historiens de métier, comme William Crosby, qui est le premier à avoir attiré l'attention sur ce début de l'Anthropocène à Cuba, à la Hispaniola, et disant que c'est notre propre avenir qui se lit aussi dans Colomb. Mais le cinquième centenaire, en 1972, secrète des réactions comme le fameux procès de Fort-de-France où Colomb est rejugé, condamné pour esclavagisme, condamné pour meurtre répété, etc. Ben justement, Denis Crouzet, nous allons écouter un extrait de ce procès, une captation qui a été faite. Nous sommes en 1993 à Fort-de-France, procès de Christophe Colomb. À la question, l'accusé est-il coupable? Comme initiateur des faits reprochés, il a été répondu oui. Coupable. Christophe Colomb est reconnu coupable et il devra verser un franc symbolique à la partie civile. Le tribunal de l'histoire a rendu son verdict samedi 11 décembre à Fort-de-France sous les applaudissements d'un public qui attendait depuis 500 ans que justice soit rendue au peuple de la Caraïbe. Il a initié le double trafic d'esclaves, des Amérindiens vers la Castille et des nègres vers le continent américain. Et Colomb et ceux qui ont été dans son sillage sont les seuls hommes qui ont institutionnalisé sur le continent américain l'esclavage des nègres. Et ça a duré 4 siècles. Là, le procès de Christophe Colomb, 1993 RFO, Denis Crouzet. Il y a eu en 1998, à Tegucigalpa, au Honduras, un autre procès, alors qui s'est terminé par une exécution en effigie de Colomb, un grand portrait avec 3 Indiens qui ont été chargés de décocher des flèches. Et là, vraiment, c'est la désacralisation vraiment du héros colombien qui est mise en forme, avec une extension ultérieurement, jusqu'à encore récemment. Les événements de Charlottesville 2017, la mort d'une jeune activiste noire protestant pour la destruction d'une image, d'une statue de Robert Lee, le président de la Confédération sudiste, a entraîné une assimilation de Colomb à la ségrégation parce que c'est lui le premier à avoir introduit des esclaves dans le monde américain, tout en, il faut le savoir, essayant aussi d'en remporter en Espagne, des Indiens en Espagne. Donc, à partir de ce moment-là, c'est l'abandon par nombre de villes du Columbus Day, ce sont des destructions de statues qui avaient été érigées en 1892 pour le quatrième centenaire. Donc un colon qui doit disparaître aussi de l'enseignement primaire, secondaire, et dont on doit dire qu'il est un des grands criminels de l'histoire. C'est pour cela, Denis Crouzet, que votre postface de votre édition actuelle de Christophe Colomb s'intitule « Les vies nouvelles de Christophe Colomb » et vous allez jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que vous le considérez comme un criminel, c'était quelqu'un de néfaste dans l'histoire. C'est plutôt de dire « il ne faut pas écarter cette vie-là non plus ». Exactement. Je crois qu'il faut avoir une vision en quelque sorte schizophrénique, mais je termine le livre en disant, y a-t-il un coupable dans l'histoire ? En disant que le vrai coupable, c'est cette attente de la fin des temps, c'est l'eschatologie, c'est la violence au nom de Dieu et de tout Dieu, et que là, on voit à travers l'exemple de Colomb aussi peut-être un des risques qui est autour de nous aujourd'hui, que Colomb, finalement, qu'il se soit vécu comme un messager messianique ou qu'il ait été un des grands criminels de l'histoire, importe secondairement. Pour aujourd'hui, il nous montre le danger de l'eschatologie parce que lui a basculé dedans avec, sans doute, les autres Espagnols qui l'entouraient. Oh combien l'histoire éclaire le présent. Merci beaucoup Denis Crouzet, Christophe Colomb, héros de l'Apocalypse, aux presses universitaires de France. Et nous continuons tout de suite le voyage. France Culture. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, de prisa rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar, llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo. Siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Manu Chao, El Desaparecido, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Perret Le Gras, avec aujourd'hui à la technique Élise Le à Paris, et Stéphane Casalonga en Corse, Frequenza Mora. En Corse, oui, parce que nous allons retrouver Olena Berezovska-Picciocchi. Bonjour Olena. Bonjour. Bonjour, vous avez écrit des articles autour d'une figure étonnante, Vladimir Mayakovsky. Vous avez parlé de ce personnage et vous l'avez relié à Christophe Colomb. Et dès lors, nous allons changer d'espace avec vous, car vous êtes docteur en littérature comparée, chercheuse et enseignante à l'université de Corse. Et la littérature comparée a beaucoup à nous apprendre en histoire. Pourquoi vous reliez un poète russe du début du XXe siècle à la figure de Christophe Colomb? Pourquoi s'est-il imaginé Christophe Colomb? Alors, Effectivement, je le fais dans mon article, mais ce n'est pas moi qui le relaie à Christophe Colomb, oui, c'est lui-même qui le fait, exactement. Je ne fais que suivre ses poèmes et les analyser. Alors, pourquoi il le fait ? Puisque déjà, pour lui, Christophe Colomb, c'était un grand homme. Et il a découvert l'Amérique. Et puis lui aussi, il voudrait découvrir l'Amérique, mais à sa manière. Ça voudrait dire qu'il considère que Christophe Colomb a découvert le vieux monde. Le vieux monde qu'il faut nettoyer pour un citoyen soviétique. Parce que ce n'est pas un monde où il est bon vivre selon sa pensée, son idéologie. Donc, c'est pour cette raison qu'il a, on va dire, la même ambition que Christophe Colomb de découvrir l'Amérique, mais un homme soviétique. Ça, c'est intéressant, parce qu'il faut bien rappeler qui est Mayakovsky, Vladimir Mayakovsky. Nous sommes au début du XXe siècle. Nous sommes en Russie, c'est vrai qu'on ne relie pas tout ça à l'Amérique. Mayakovsky va le faire dans ses poèmes lors d'un voyage. Mayakovsky, au début du XXe siècle, allez, on va dire en 1917, au moment de la révolution russe, qui est-il ? Il a 24 ans, c'est un jeune homme ? Alors, effectivement, c'est un jeune homme, mais qui a déjà ses idées bien faites. Il adhère dès 1917 à la Révolution russe, il adhère tout de suite. Mais c'est surtout un artiste avec un grand A. Puisque d'abord, c'est un poète futuriste, et puis, ou peut-être surtout, c'est un peintre qui se voudrait le peintre moderne, peintre avant-garde, comme le poète avant-garde aussi, qui se sent proche de peintre cubiste. Et donc, en tant que l'homme poète, il est révolutionnaire. Donc, il représente la révolution dans l'art. Et puis, cette révolution dans l'art se prolonge pour lui dans la révolution politique. En fait, les deux révolutions ne font qu'un pour lui. Et c'est pour ça que c'est intéressant de reprendre le titre de cette émission dédiée à Christophe Colomb et du titre du livre de... De Mayakovsky. À Christophe Colomb, héros de l'Apocalypse. Denis Crouzet, oui. Tout à fait. Étant donné que, on peut dire la même chose sur Christophe Colomb. Il n'est pas héros de l'Apocalypse, il est héros de la Révolution russe. Et la Révolution russe, certainement, peut être interprétée comme l'Apocalypse pour l'Europe de l'Ouest. On peut l'interpréter ainsi. Je comprends bien, c'est vrai que la comparaison est intéressante. Christophe Colomb, héros de l'Apocalypse, comme nous l'expliquait Denis Crouzet. Mayakovsky, un autre héros, un messager, mais c'est un poète, c'est un artiste, et les artistes sont des messagers. Vous avez évoqué, Olena Berezovska-Pichioki, le mot futurisme. Nous sommes dans un mouvement artistique du début du XXe siècle, qui n'est plutôt en Italie, mais qui se développe énormément en Russie. Quelle est l'ambition de ce mouvement ? Alors, donc, ça se passe avant la Révolution russe, donc... Les futuristes russes veulent fonder l'art nouveau, comme d'ailleurs les futuristes italiens, mais les Russes ne veulent pas reconnaître la filiation entre le futurisme russe et le futurisme italien. Le futurisme russe, il faut le comprendre au pluriel, puisqu'il y a plusieurs groupes. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont écrire les manifestes. Et le groupe qui a le plus de poids, qui est le plus intéressant parmi ces multiples visages du futurisme russe, c'est le groupe auquel adhère Mayakovsky et son ami intime Bourlouk. C'est le groupe de cubo-futuristes russes. Donc, ils vont écrire une sorte de manifeste, c'est un manifeste, qui s'intitule « La gifle au goût public ». Où ils vont écrire que tout art ancien, il faut jeter par-dessus le le paquebot de la modernité, puisque il ne représente plus l'actualité, ce n'est plus intéressant, et donc il faut se tourner vers l'avenir et créer autre chose. Oui, alors c'est très important ce que vous dites là, parce que il faut le recontextualiser. Le futurisme veut rejeter tous les arts anciens, mais replacer dans un contexte politique de révolution, on pourrait dire ça autrement, il faut faire table rase du passé, évidemment l'international. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison tonne en son cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passé, faisons table rase, foule esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. L'international chanté par Marc Augeret. Il faut faire table rase du passé. Il y a une notion de régénération à laquelle adhère Maïakovski au moment de la révolution russe. Mais dans son cheminement intellectuel, Maïakovski veut, et c'est vrai que ça correspond parfaitement à la révolution russe, propager cette révolution, apporter cette idée dans le monde entier. C'est pour cela qu'il voyage. Exactement. Le voyage, pour lui, c'est extrêmement important. Et pour lui, le voyage, c'est un exercice politique d'un côté et de l'autre un exercice amoureux. Je dirais aussi un exercice artistique puisqu'il cherche avant tout de rencontrer les artistes nouveaux qui incarnent pour lui l'art moderne. Mais comme j'ai déjà dit au début, pour lui, la révolution politique et la révolution artistique, ça va ensemble. Et donc, il va à la rencontre de ces artistes, d'un public non seulement composé des artistes, mais un public qui est intéressé par l'art nouveau et par la révolution russe, comme un héros, comme le messager de la révolution russe, du message qu'elle porte, selon lui, c'est le message de l'abolition des classes, c'est tout ce qu'on connaît de livres d'histoire, en fait, et c'est aussi le fait que c'est lui qui incarne le nouveau monde. C'est son état, c'est lui-même, puisqu'il est celui qui le porte, celui qui le clame, celui qui le proclame. Il fait donc la propagande. Excusez-moi, Olena Berezovska-Pichocki, oui, mais c'est vrai que c'est intéressant, cette inversion des valeurs où Maïakovski, qui vient de Russie, a l'impression lui-même d'être le nouveau monde et que l'Amérique, quelque part, en ce début de XXe siècle, est un peu l'ancien monde avec de vieilles valeurs. C'est ainsi qu'il voyait les choses. Effectivement, il le dit dans sa prose, dans sa poésie. Et c'est pour cette raison qu'il peut imaginer un Christophe moderne et peut s'identifier à ce personnage-là lors de sa traversée océanique. Oui, c'est en 1925 qu'il part en Amérique. Exactement. C'était un voyage qu'il rêvait depuis très très très longtemps. Parce que pour lui, l'Amérique, en fait, il faut dire la vérité sur lui. C'était une personnalité extrêmement controversée. D'un côté, il est vrai qu'il était révolutionnaire dans l'âme. Et c'était un bagarreur. Mais de l'autre côté, c'était quelqu'un qui n'était pas simplement le citoyen de l'Union soviétique. C'était un homme qui était fasciné par la technologie nouvelle. Et l'Amérique, les États-Unis incarnaient pour lui cette technologie nouvelle. Donc il était à la fois fasciné par l'Amérique puisque il ne dissociait pas vraiment l'Amérique des États-Unis. Il était fasciné par ce monde de technologie et en même temps, il disait que c'est un monde où il y a la différence des classes sociales. C'est un monde qu'il faut effectivement fermer pour nettoyer et ensuite on peut le redécouvrir une fois le problème des classes réglé. Oui, nous comprenons bien donc la démarche de Mayakovsky en 1925 quand il part découvrir l'Amérique. C'est l'inverse de Christophe Colomb. Il part du nouveau monde, le monde régénéré qui est la Russie soviétique, pour redécouvrir ce vieux monde et le changer, avec évidemment un regard porté sur l'Amérique qui lui fait penser à ce qu'a pu ressentir Christophe Colomb. Et Mayakovsky en tire des textes qui ont été réunis. Ce sont des poèmes américains et l'un d'entre eux nous est lu aujourd'hui par Mélodie Auru. Depuis les ans ont fui, ainsi que ton emprise. Tu n'es plus qu'un vieillard, toi, le jeune Atlantique. N'importe quel salaud à ta moustache grise peut cracher comme il veut du pont d'un majestique. Tes héritiers, colons, au fond des prisons sombres, ont terminé leurs jours. Ce sont tes descendants sur leur art de coucher en décale dans l'ombre qui côtoient cet enfer des machines ardents. Au-dessus, dans les fleurs, ceux des premières classes, variant les plaisirs, les danses, les boissons, dans le confort douillet des cabines salons, des WC, des ciné, bien aux frais se prélassent. T'es un nigaud, colon. Je le dis sans mentir, à ta place, si moi là-bas j'étais allé, cette Amérique, avant de la leur découvrir, j'aurais su lui donner quelques coups de balai. Vladimir Mayakovsky, qui nous est lu par Mélodie Auru. C'est magnifique, cette approche de Mayakovsky sur le voyage, sur le déplacement et notamment sur son rapport à l'océan. Il y a quelque chose de très fort dans cette volonté de laisser une trace avec un navire, de laisser une trace dans l'eau, ce qui est quelque chose d'impossible. Dites-nous, Elena Berezovska-Pichocki, quel est son rapport de Mayakovsky à ce déplacement, à cette traversée de l'océan? En fait, c'est surtout l'occasion pour lui de rêver le nouveau monde avant de découvrir qu'est-ce que c'est réellement. Et donc, c'est là où il va imaginer Christophe Colomb qui, à la veille de son voyage, s'imagine déjà sur le bateau envers le nouveau monde. Donc, c'est là peut-être l'occasion de parler de son rapport direct avec Christophe Colomb. C'est parce que justement, c'est lors de cette traversée qu'il va construire l'image de son Christophe Colomb poétique, de ce conquérant auquel il s'identifie. Et donc, c'est très intéressant. Je vais me permettre de lire un petit peu. Allez-y. D'abord en russe, si vous me permettez. Ah, avec un véritable plaisir. Et ensuite, la traduction de Claude Frioux de ces vers absolument magnifiques et sublimes de Mayakovsky, qui imagine Christophe Colomb à la veille de son voyage, qui rêve le nouveau monde, qui imagine le nouveau monde. «Вижу, как сейчас, объедки до бутылки. В партишке известном лишь кабачком Колумб Христофор и другие за бутылки сидят, нахлобучив шляпы бочком». Christophore azlat, pristayut Christophore. Avant de lire la traduction, c'est vraiment un passage très court, je voulais rendre hommage à l'art de versificateur de Mayakovsky. Pourquoi? Parce qu'il utilise d'une manière absolument sublime le langage populaire russe, il le poétise. En fait, il ne s'agit pas de la grande langue russe, là. Il s'agit de la langue du peuple, et donc c'est absolument délicieux, c'est quelque chose de magnifique. Alors, la traduction ne peut pas forcément permettre ce jeu de style. Allez-y, nous vous écoutons, Elena Berezovska-Pichocki. Je vois comme si c'était maintenant des restes de nourriture et des bouteilles dans un petit port connu seulement pour son bistrot. Colomb, Christophe et des copains de son genre sont assis là, le chapeau enfoncé sur l'oreille. Ils énervent Christophe, ils harcèlent Christophe. Donc, alors, c'est là où il va présenter Christophe Colomb parmi ses hommes, ses compagnons, qui le considèrent un homme différent. Il est un étranger parmi les siens. Et c'est là aussi la figure de Maïkovski, c'est ainsi qu'il se sentait. Parce que il était différent. Il avait déjà son talent qui était extraordinaire. Rien que par ça, il était intéressant. D'ailleurs, il dit « Je suis intéressant en tant que poète » quand il va écrire sa biographie. Donc, c'est un homme différent parmi les siens. Et donc, en tant que... Il va insister sur cette différence, il va la grossir et il va présenter Christophe Colomb en juif espagnol. Donc effectivement, il s'agit d'un mythe qu'il oui. utilise d'une manière savante. Il ironise même cette affubulation parce qu'il dit « selon les journaux ». Donc, il trouve cette information dans les journaux et soi-disant que, voilà, vous voyez bien qu'il ne faut pas croire tout ce que disent les journalistes. Dites-moi, Olena Berezovska-Pichocki, je vous écoute et Maïkovski se présente comme un être différent, ce qui est le cas de l'artiste. De l'artiste dans la société, c'est très baudelairien, l'artiste incompris. Mais oui. il y a autre chose aussi, c'est que nous sommes au moment de la révolution russe. La révolution en 1917 est une chose. Quand Maïkovski écrit, nous sommes en 1925. Et là aussi, il se trouve peut-être différent du mouvement que prend la révolution. Oui, oui, absolument. Parce que déjà, ce qu'il faut dire, que à partir du moment que la révolution arrive dans le pays, lui, il était dans le parti bolchevique. Donc, il était communiste. Attitré, on va dire ça ainsi. Mais lorsque la révolution éclate, d'une manière paradoxale, il va s'écarter et il ne va plus être au parti. Il va quitter le parti. Donc ça, c'est oui, et puis une chose... Le parti communiste, enfin en tout cas l'Union soviétique, commence à porter un regard différent sur l'art qui, au début de la révolution, était un art, allez, on va dire, d'un seul coup fulgurant, sans contrôle et sublime. Et puis, tout doucement, il y a une prise en main de l'art. Tout à fait, c'est ce qu'il va, enfin, ce que ne va pas plaire, ce que ne va pas plaire à Maïkovski, au poète qui se sentait libre. Pour lui, la poésie, c'est de la liberté. Or là, il n'y avait plus de liberté. Il était très critiqué par les hommes d'État. Lénine détestait son art, il faut le savoir. Pour lui, c'était du charabia, c'était impossible parce que Lénine avait la formation classique, il adorait Tolstoï, il aimait Tchouchev, donc il ne pouvait pas accepter Maïkovski. Mais Maïkovski, n'empêche qu'il adorait Lénine et ses idées. Donc c'était l'amour sans partage. Et effectivement, il y avait un conflit entre l'artiste et l'homme poétique, un conflit intérieur dans Maïkovski. Et donc pour lui, la manière de résoudre ce conflit, c'était d'écrire sa poésie, non seulement la poésie, c'était aussi, comme j'ai dit, un propagandiste. Il faisait des affiches pour... Oui, c'est vrai qu'il est artiste aussi dans le sens plasticien où il crée des affiches. Il avait aussi, excusez-moi, la vision très utilitaire de l'art, c'est ça qu'il faut dire. Donc son art était au service de son état, donc c'est de cette manière qu'il pouvait... Et donc l'utilisation de Christophe Colomb lors du voyage en 1925 par Vladimir Maïkovski a aussi un message politique. Merci beaucoup Elena Berezovska-Pichocki de nous avoir parlé de Maïkovski qui se voit en Christophe Colomb, la littérature comparée utile à l'histoire et l'histoire utile à la littérature comparée. Merci beaucoup à vous. Il est 9h53 sur France Culture, l'heure de retrouver Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, vous nous parlez littérature, sexualité et remède au déclin du monde. En 1960, la presse anglaise s'enflamme et titre « La reine contre Lady C ». C pour Lady Chatterley, vous l'aurez compris. Un procès s'ouvre qui va, à travers ce livre, devenu célèbre, autopsier un ordre social britannique dépassé. C'est le sujet du documentaire de Mathilde Damoiselle, « Le procès de Lady Chatterley, orgasme et lutte des classes dans un jardin anglais ». Interdit depuis 30 ans, le roman de D.H. Lawrence est réédité par Penguin Books à la faveur d'une loi sur la censure qui pourrait permettre de faire paraître certains titres censurés si leur qualité littéraire était reconnue par la justice. Le danger est de taille puisque Penguin Books se fait le champion du livre de poche et donc de la mise à disposition d'un très large public de ce texte dont l'auteur lui-même connaissait le potentiel tout à fait sulfureux. Lawrence avait conscience d'être transgressif à plus d'un titre. Il écrit un roman sur un adultère qui se termine bien, et ce n'est pas ce qui se passait dans les grands romans du 19e siècle où les gens étaient punis. Il écrit aussi des mots soi-disant obscènes. C'était une transgression majeure, tout comme se moquer des classes dominantes. Tout cela a fait que ce roman n'était pas franchement au goût de l'Angleterre de 1928. For England in 1928. La simple évocation de l'amant de Lady Chatterley émoustille les esprits et cet échauffement potentiel inquiète le procureur de la reine qui s'offusque de l'obscénité des scènes explicites de relations sexuelles qu'il a minutieusement décomptées. Il y en a donc 13 et, je le cite, « le rideau n'est jamais tiré ». D.H. Lawrence, mort en 1929, met en scène un triangle amoureux entre Constance, son amant Mellors, garde-chasse de la troisième partie en présence, le mari, rentré de la Première Guerre mondiale, incapable de relations intimes avec son épouse. À sa sortie en 1929, le livre brûle les doigts des libraires qui renvoient les exemplaires lorsqu'ils ne sont pas saisis par les forces de l'ordre. La déception est immense pour Lawrence, qui ne verra pas son œuvre atteindre le public de son vivant. Je m'échine toujours à la même chose, montrer que le sexe est bon et précieux, et sûrement pas honteux. Jamais je ne suis allé aussi loin que dans ce roman. Il est à mes yeux beau et tendre, et fragile comme un être mis à nu. En 1960, les défenseurs de Lady Chatterley obtiennent gain de cause. Si le texte est sulfureux, il l'est aussi par sa portée sociale. Richard Hogarth, qui vient de publier « La culture du pauvre » sur les cultures prolétaires et ceux qui défient les frontières de classe, défend la vertu du roman de Lawrence devant un procureur interdit. L'amant de Lady Chatterley ne déborderait pas les limites du puritanisme britannique, elle est le puritanisme dans sa définition originelle, c'est-à-dire un acte conscient avec un sens intense de sa responsabilité. Les scènes charnelles sont aussi importantes dans l'œuvre que la description du monde ouvrier, en particulier du travail des mineurs sous l'autorité de l'époux devenu capitaine d'industrie. Le regard de Constance face au spectacle du labeur et de la nature transformée par la mine dépasse la réputation érotique de ces ébats forestiers qui transgressent l'ordre social. Une interprétation soutenue par Sylvain Tesson. C'est un requiem pour une nature blessée. À plusieurs reprises, dans le roman, revient la question de Constance, qu'adviendra-t-il demain ? C'est-à-dire qu'elle voit quelque chose qui est en transformation, à l'œuvre, sous ses yeux, et elle ne sait pas ce qui va se passer. Les issues semblent tout de même assez réduites. Il y en a peut-être une qu'elle propose, et qui est la naissance en soi de l'amour. Il y a un souci à prendre de la terre, un soin à prendre de ce qui nous est donné en partage et ce qui se déploie devant nos yeux. Et ce soin qui est donné à la terre, il passe d'abord par une reconsidération de soi-même. D.H. Lawrence débarrasse la sexualité de son association avec la souillure et propose un manifeste pour sa patrie tétanisée par une conception honteuse de l'érotisme, jusqu'à ignorer le corps et le contraindre à disparaître, solidement lacé dans un corset victorien, resserré par les deuils de guerre. Par sa haute estime du corps et des relations sexuelles mutuelles, Lawrence ferait de la sexualité un art de vivre pour la réparation du monde. Ben moi, je pourrais en faire ma devise. Hein. La sexualité, un art de vivre pour la réparation du monde. Merci beaucoup Anaïs. On retrouve tous les liens, les informations utiles sur la page du Journal de l'Histoire, sur le site franceculture.fr. C'était le cours de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Toscane Viudès, Camille André, Alice Rouet. Nous nous retrouvons demain pour poursuivre notre voyage. Ce sera la conquête de l'Est.